بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter. القاعدة الثامنة قولهم ذكر الناس داء سامل أي يريدون من هذا أن parler sur les gens. T'as pas le droit, c'est une mauvaise chose. Wahada, kadalik, c'est un kalam mujmal. Si tu parles sur une personne, min ahl al-haq, sans aucune preuve, et tu mens sur lui, la chèque, t'as pas le droit. Lakin, conseiller ses frères musulmans et mettre en garde contre un mortel qui fait du mal, wahada, c'est min al-sunnah. C'est pas min al-da, comme yaqoulou. Abada. Hadi, c'est qaïda, les ma'roufs. Ahl al-bida, quand ils entendent ahl al-sunnah, ils critiquent les mubtadi'a, ils disent, ils mangent la chair de leurs frères. Ils critiquent toujours leurs frères. Si ça m'obtient, t'as des preuves que ça m'obtient. Et tu sais, tu connais le mal qu'il fait, tu mets en garde avec Aqwal Ahl al-Ilm, tu mets en garde et Inch'Allah, tu fais du khayr aux musulmans. Tu fais du khayr aux musulmans. Et ça, on l'avait expliqué en haqiqa. La kalima qu'on avait fait à Hamiyat al-Jarh wa al-Ta'dil. Anna al-Jarh wa al-Ta'dil, c'est pas min al-Ghaiba. Abada. Qala al-Imam al-Uqayli fi al-Du'afa, rahimahullah, ou rawa min tariq Abi Salih al-Dharra, qala. حكيت ليوسف ابن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن. Ça, ça vous montre كذلك la position du salaf. Abu Salih هذا, il a cité à Yusuf ibn Asbat des choses qu'ils ont relation avec les fitan. Ils ont parlé d'une personne. فقال يوسف ابن أصباط, un imam parmi les imams de la Sunna, قال ذاك يشبه أستاذ. Dès qu'ils ont cité cette personne, il a dit celui-là il ressemble à son professeur. Aïe, c'est un égaré comme son professeur. Abu Salih, quand il a entendu ça, قال, Ama takhaf an takun hadihi ghaiba. Il a dit à Yusuf ibn Asbat, il lui a dit, t'as pas peur de ce que tu viens de dire? T'as mangé la chair de ton frère, c'est une ghaiba? Ta'ammal mawqif Yusuf al-Imam. Qala rahimahullah, lima ya ahmaq? Ghadab lillah. Il s'est énervé lillah. Lima ya ahmaq? Il a su que cette personne, il n'a pas compris. Et il a su que cette personne, c'est Bimanzilat Talamid. C'est comme son élève. Donc, il a eu cette colère envers lui. Lima ya ahmaq. Wal ahmaq ma'rouf. C'est une personne qui n'a pas la raison. Qala ana khayrun li ha'oula min ummahatihim wa abaihim. Il a dit ya ahmaq. Ana, je suis mieux pour ces gens-là. Leur propre père et leur propre mère. قال انا انهى الناس ان يعملوا بما احدثوا فتتبعهم اوزارهم ومن اطراهم كان اضر عليهم. Il a dit انا je suis plus profitable pour eux que leur propre mère et leur propre père. لان انا je mets en garde contre lui حتى يوم القيامه. Il n'a pas beaucoup de suiveurs. يوم القيامه avec mon rat باذن الله et mon jar j'ai mis en garde contre lui, il aura moins de suiveurs, enfin, il aura moins de comptes à rendre. Et la haqiqa, c'est une rahma. Amma, il a dit, celui qui l'élève, il fait ses éloges, fait la haqiqa, il lui fait du mal. Il y en a rupama, tu vas bien parler d'un muqtadi' avec ta parole, ou à cause de ta parole, des centaines de personnes ils vont le suivre. Yawm al-Qiyama, il aura des comptes à rendre à ces centaines de personnes. C'est la cause de leur égarement. Fait la haqiqa, alladhi yata'ammal, ulama al-sunnah, وعلماء الجرح والتعديل سن رحمة للناس والله سن رحمة. الآن العلماء الذين يردون على أبي الحسن على القرضاوي على فالح الحربي هؤلاء في الحقيقة هؤلاء العلماء سن رحمة pour ces innovateurs. والله سن رحمة لأن avec leur rad كثير من الناس ils ont délaissé. فيوم القيامة ils auront moins de fardeau à porter. لأن t'as le fardeau de 1000 ou d'un million, c'est pas la même chose. ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يعلمون. Ça, ça nous implique, يا أهل السنة. Ça implique de notre part qu'on fait beaucoup de dua à علماء السنة, علماء الجرح والتعديل, أهل الحديث. On doit faire beaucoup de dua pour eux. لأن سن رحمة, c'est un nour pour la أمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم, العلماء ورثة الأنبياء. وقال الحسن بن صالح رحمه الله من الأئمة, كنا إذا أردنا أن نكتب عن رجل سألنا عنه حتى يقال لنا أتريدون أن تزوجوه. حسن بن صالح, ça, ça montre la position des salaf. Il dit quand on voulait écrire le hadith d'une personne, on demandait sur lui. Tu prends pas le ilm de tout le monde. Tu prends pas le ilm de tout le monde. Et si tu demandes sur lui, ça veut pas dire que tu le critiques. Et si tu le critiques avec preuve, ça t'as le droit. Tu mets en garde, hatta les gens ne le suivent pas. Enfin, il demandait. Si la personne était à la sunna, il prenait. S'il n'était pas à la sunna, il le délaissait. Et il ne connaissait pas ذكر الناس داء على هذا الإطلاق أبدا. Hassan ibn Saleh, il raconte tellement qu'il demandait. Maintenant, ils savent qu'il y a une personne, il transmet les hadiths. Il se renseigne, est-ce que c'est une personne de confiance en Allah. Il dit tellement qu'on se renseignait sur lui, les gens ils croyaient qu'on allait le marier. Mais Anna fait dunya, et ça c'est, ça vous montre. Anna, dès que c'est dunya, les gens ils font beaucoup attention. Il y a des filles qui vont marier sa fille. Il fait attention à sa fille. Badana, ils font du relou. Ils mettent des conditions. Ils font du zawaj, c'est du relou. Lakin, l'imad ali Anna, c'est sa fille, ou sa sœur. J'écoute les doléances de un tel. Ya akhi, c'est qui? Je sais pas, on m'a dit qu'il était bien. C'est qui on m'a dit? On sait pas. Deux mois après, c'est un mubtadi, un takfiri, il s'égare. La personne, il fait attention. Mais la bidaya. Et l'ulama, ils ont mis en garde contre lui, c'est que pour que tu profites. Anta. Amma qawl, l'ulama est critique, ils font de la médisance, c'est un qawl batil. Shubha. Ils ont une chouba à l'aide d'Albab. Anna, al-ishtiral, bil-jarhi wa ta'dil, yushril an talab al-ilm. Ils ont cette chouba. Ils ont cette chouba, Anna. Vous êtes toujours foulan, pas foulan. Et ça vous empêche de talab al-ilm. Hada, c'est un kalam mujmal kadalik. Amma, si il prend jarh al-ulama, et il prend ce qu'il a besoin, et ce genre il est fondé avec des adillah min al-kitab wa sunnah, ça lui fera aucun mal dans son talab ilm abadan, ben ça va lui rajouter du ilm. Ah, c'est dans les choses qu'il a besoin. Il est dans un endroit, il y a une fitna, fulan il s'est garé, kif, il continue à talab ilm et il regarde pas. S'il continue à talab ilm et il ferme les yeux, rubbama, la fitna de cette personne, ça sera la première croix. Rubbama, la personne al-jarh wa ta'dil, ça fait partie du ilm. Wa ta'ammal leur qawl. Il différencie entre jarh wa ta'dil et l'ilm. On dirait que jarh wa ta'dil, c'est pas du ilm. Alors que c'est un ilm nafi' jiddan. Lakin, chaque chose a sa place. Nahnu, ça veut pas dire, on dit aux personnes jarh wa ta'dil du fajr au isha. Pas de Coran, pas de sunnah, pas de loga, pas d'aqida, abadan. Lakin, chaque chose a sa place. Amma, hada l'itlaq, jarh wa ta'dil, ça t'occupe. Ça va t'occuper, tu pourras plus étudier, abadan. Chaque chose a sa place. T'as besoin de l'aura, t'apprends la loura. T'as besoin de ta aqida, prends ta aqida. Y'a meftoun, il peut te faire du mal. Et l'ulama, ils ont parlé. Étudie l'affaire. Chaque chose a sa place. T'étudies, une fois que t'as compris, c'est un meftoun, c'est un mubtil, tu le délaisses. Et tu continues ton talab ilm. Amma ba'dannas, il ferme les yeux. Je rentre pas là-dedans. Comment c'est le premier à rentrer dedans? C'est le premier. Ou al-musiba, il rentre pas. Les nusrat al-haq. Il rentre, nusrat al-batil. Il combat al-haq. Alors qu'au début, je rentre pas là-dedans. قال أو سئل الشيخ ربيع ابن هادي وفقه الله شخص شبهة اليوم ماضي أن بعض الناس يقولون أن الرد على أهل الآواء قادر على المسلك العلمي بعض الناس ils ont cité cette شبهة أن le fait de parler sur les gens ça empêche de طلب العلم قال الشيخ ربيع حفظه الله هذا مفهوم باطل لا c'est باطل c'est pas vrai il y a une partie de vérité et ils ont cité cette parole globale. C'est pour Nusrat al-Batil. Eux, ils veulent combattre le haq faqat. قال وهذا من اساليب اهل الباطل واهل البدع ليخرجوا السنة اهل السنة. نعم والله ils disent ce kalam c'est rien que pour que اهل السنة ils se taisent faqat. Ça leur fait du mal kalam اهل العلم. المبتدع comme on a déjà cité, une des choses qui lui fait le plus de mal c'est kalam اهل العلم. وهذا من أساليب أهل الباطل وأهل البدع ليخرجوا أهل ألسنة أهل السنة. إذا كان يرى البدعة تنتشر ولها دعاتها ولها حملتها ولها الذابون عنها ولها المحاربون لأهل السنة كيف يسكت؟ صحيح أنت تطلب العلم لكن إن بخصان يفي جمال يفي جمال أتي فخير يبروباج البدعة et أنت تكونتيني تدروس دو لغة كم سي أفي غيان نحن نبعد سلوي كالقدرة. Maintenant, tu es dans un endroit, il y a un savant. Il va se taire. Il a le droit de montrer que c'est un mubtil. Il montre. Conseil pour tout le groupe. Vaut mieux enlever la maladie et tout le groupe il est préservé. Ah, mais tu laisses la maladie au milieu du groupe, il va contaminer les autres. وقال الشيخ المؤذن حفظه الله ولا يكفي أن يقول الإنسان ليس علي إلا نفسي كذلك سمن شبهاتهم بعض الناس يجي tu lui dis attention Foulan, va pas dans cette mosquée maintenant, Foulan c'est un égaré, celui qui fait le khutbah de Jumu'ah, il donne des cours, va pas là-bas. Il appelle à Bid'at l'Ikhwan, Bid'at l'Tablir, Bid'at. Tu lui cites. Il te dit, Anna, c'est pas mon problème, moi. Je vais déjà voir, moi. L'Akhi est en train de t'égarer. Et t'es pas tout seul. Hatta, le fait de dire, je regarde comme moi, c'est khata. Là, t'as des frères. Le Rasoul dit, Din Nasiha. Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. T'es pas tout seul. T'as des responsabilités. Ta famille, tes proches, tes frères, tes voisins, t'es pas tout seul. قال شيخ الفوزان ولا يكفي أن يقول الإنسان ليس علي إلا نفسي يسمح بنفسه ويترك الآخرين بل عليه أن يصلح الآخرين ما استطاع. نعم نحن لا بس التغويسم والعياذ بالله جينا moi je vais déjà voir moi et puis les autres ça me regarde pas. Abadan. Tu réformes ton nafs si tu peux et si tu peux les autres. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. T'as pas le droit de dire moi ça me regarde pas. Abadan. Si c'est un munkar et t'as la capacité, t'es obligé de l'enlever. T'es obligé, t'as pas le choix. هذا تعاون على الخير. أما cet égoïsme هذا أبدا. Et tu te feras du mal. Tu te feras du mal. Il y en a بعض الناس يسيزل هكذا. Plus de contact avec l'ulama, avec talabat l'ilm. Il est tout seul, il croit qu'il avance. Un jour il finit chez Ahl al-Bida. Et pour le ressortir, c'est très difficile. Illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ الفوزان لأن هذا من النصيحة ومن إرادة الخير للناس. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. T'as pas le droit de ça me regarde pas et tu vois ton frère t'égarer. T'as pas le droit. Toi, est-ce que t'aimerais bien t'égarer toi? T'aimerais pas. À qui tu laisses ton frère? Bien sûr, si t'as la capacité de lui montrer. Si tu peux pas. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا أمر واجب عليك. Et on a cité hadith Abi Sa'id في صحيح مسلم. Amma cet égoïsme là, nous, tout ce qu'on fait, que ce soit acte apparent ou caché, c'est on essaye de suivre Kitab al-Sunnah. Al-An, le prophète sallam, il n'a pas appelé à cet égoïsme. T'es tout seul. Je regarde comment on a fait. Ad-Din Nasiha, le prophète sallam, il a dit. La yuna ahdukou hatta yuhib l'akhi ma yuhib l'nafsi. Enfin, bien sûr, tout ça avec l'ilm. Faïda, avant de finir ce dars, قال l'imam ibn al-Qayyim rahimahou Allah. وفي اللسان آفتان عظيمتان. Ça c'est une faïda par rapport à leur qaïda batila. Le fait de mettre en garde contre les innovateurs, c'est de la médisance. Tu parles sur les gens. Ça fait partie des mots de la langue. Al-Imam ibn al-Qayyim, cette faïda, il va nous montrer les vrais mots de la langue. قال وفي اللسان آفتان أو آفتان عظيمتان. La langue, il y a deux mots qui font beaucoup de mal à la personne. قال إن تخلص العبد من إحداهما قال لن يتخلص من الأخرى. بعض الناس صحيح. Ils vont plus pencher vers une que vers l'autre. Et en général, les gens, ils pensent vers la première ou vers la deuxième. قال الأولى, la première, آفة الكلام. أي, c'est un mal par rapport à la parole. أي, il va parler sans ilm. Ça, c'est un mal, t'as pas le droit. Critiquer les gens sans ilm, non. C'est une maladie, t'as pas le droit. La deuxième, le deuxième mal, قال آفة السكوت. Aïe, le fait de se taire alors que tu dois parler. Wa anta tata'ajjab ahl al-bid'ah, il parle toujours du premier. Vous avez remarqué, Hada? Anna, il parle toujours du premier. Non, faut pas parler, c'est de la médisance. Il parle jamais du deuxième. Akhi, parle si t'as du ilm. Conseille les frères. Mais Anna, le fait de se taire, t'as pas le droit. من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه. فسي منكر et t'as la capacité de l'enlever et tu te tais, t'as pas le droit. قال ابن القيم رحمه الله وقد يكون كل منهما اعظم اثما من الاخرى في وقتها. صحيح. Le fait de se taire alors que tu peux parler et montrer le haq, ça peut être pire que de parler sans haq. Ça peut être pire. Le mal, il peut être plus grand. On dit maintenant 50 frères, ils assistent à un dars d'un mubtadi. Anta tal haq. T'as la parole des savants, t'as les preuves du Coran et de la Sunna. Tu te tais, t'es responsable des 50. T'as une responsabilité. Et là, t'as pas montré. Robama, ton fils, il serait dans l'assise, t'aurais essayé de le sauver. Là, dès que ça regarde pas la personne, nafsi, nafsi. قال ابن القيم وقد يكون قرأنا قال فالساكت عن الحق شيطان أخرس. Celui qui se tait alors qu'il peut parler, il peut montrer le haq. Ibn al-Qayyim, il a dit c'est un shaytan. Akhras, c'est un shaytan muet. C'est un shaytan qui ne parle pas. Ala asi lillah mudahin idlam yakhaf ala nafsi. Bien sûr, si tu as peur pour ton nafs, c'est autre chose. La personne, s'il parle, il peut se faire tuer. Ça, c'est autre chose. Là, nous, on dit, oh, le calame al-Qayyim, il peut parler et Inch'Allah, il ne risque rien. Ben, s'il parle, il y aura du khayr. Bien sûr, avec ilm. Qala wal mutakallim il batil shaytan un natiq. Enfin, t'as deux shaytan. Celui qui se tait, alors qu'il peut parler, c'est un shaytan akhras. C'est un shaytan muet. Celui qui parle bila ilm, il s'avance dans des choses qu'il ne connaît pas, c'est un shaytan natiq. C'est un shaytan qui parle. Enfin, Inch'Allah, on s'éloigne des deux shaytan. On s'éloigne des deux shaytan. On s'éloigne subhanahu wa ta'ala. A al-thabar. قال واكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته la plupart des gens imma idevi pense en ilm imma idevi iste alors qu'il doit parler un des deux ça c'est la plupart des gens illa man rahim Allah azza wa jal انظر الداء والدواء الخاتمه on conclut ce dars avec une autre faïda de l'imam ibn qayyim rahim Allah قال حذار من امرين لهما عواقب سوء ya akhi fais attention deux choses elles font beaucoup de mal à la personne. La première, fais attention, un haq qui te parvient et tu le rejettes. Wallahi, ça va te faire du mal, fait dunya ou fait ukhra. Al-yawm, ou ghadan, ou ba'd ghadan. Ou yawm al-qiyama, ça te fera du mal. Radd al-haq. Limadha on a cité cette faïda à la fin, li'anna, toutes ces qawaïd qu'on a citées pendant ces quatre doros, elles rejettent, c'est pour rejeter le haq. Attention, akhi, de ne pas rejeter le haq. Si le haq il est venu, tu lis les preuves, la parole d'un savant, c'est clair, ne le rejette pas. Wallahi, c'est pas simple. Tu dis, je rentre pas là-dedans, oh, ça ne me regarde pas. Oh, wallahi, c'est pas simple. لماذا قال ابن القيم فإنك أو قبل هذا قال رد الحق لمخالفته هواك لأن ceux qui jouent le haq لأن c'est passion maintenant Cheikh Foulan il a été critiqué il l'aime il y a des preuves il le sait lakin son amour il ne peut pas accepter ça أو الجمعيات les associations elles ont été critiquées mais adilat al-kitab wa-sunnah lakin vu qu'il y a des euros en jeu il ne peut pas laisser ça هواك قال ابن القيم فإنك تعاقب بتقليب القلب الله سبحانه وتعالى كما va citer le verset il tourne ton cœur t'as rejeté le haq t'as pas voulu le haq ton cœur Allah il le tourne القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ثم toutes les autres haq tu pourras plus accepter tu comprends plus rien والعياذ بالله لماذا لأن الحق il est venu et tu l'as rejeté قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الله سبحانه وتعالى il a retourné il a renversé leur cœur لماذا لأن ils ont pas cru au départ le prophète صلى الله عليه وسلم il leur a montré la vérité ils ont rejeté ils se sont égarés فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم à la personne il fait attention حق prends-le c'est pour c'est contre toi c'est pour un ami c'est contre un ami vous êtes beaucoup vous n'êtes pas beaucoup al-haq prends-le la deuxième chose al-thani la nasiha d'Ibn al-Qayyim adhari min amrayn faites attention à deux choses la première rejeter le haq la deuxième al-tahawun min amr idha hadra waqtuh attention d'être insouciant quand il y a une chose tu es obligé d'avoir un manqif et tu repousses attention il y en a le premier jour Allah t'a facilité le deuxième jour tu ne sais pas ce qui va se passer si ce haq il est venu fais attention de ne pas le rejeter fais attention et fais attention de je ne rentre pas là-dedans on t'a dit il y en a si ce haq tu es obligé d'être avec le haq قال ابن القيم رحمه الله فإنك إن تهاونت به ثبتك الله سبحانه وتعالى وأقعدك عن مرضيه أو مرضاته قال وأمره عقوبة لك أي si tu fais pas le pas de ne faire ce haq alors que tu as la capacité Allah subhanahu wa ta'ala il te facilitera plus il te laisse et tu n'arriveras plus à secourir le haq ça tu le vois بعض الناس ils tombent dans des fitan wal'iyadu billah ils rejettent il faiblit, il ne peut plus. Les Allah, tu n'es pas tout seul. Tu es un abd, tu as un Coran, tu as un sunnah, tu as des lois à suivre, la sharia. Tu n'es pas tout seul. Pardonne s'il prend ce qu'il veut, il rejette ce qu'il veut. Mais akhi, va pas là, ouais, je verrai demain. Il a akhi, hatta il s'égare. Sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن القيم فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه السلام celui qu'Allah il a préservé de ces deux maladies rejeter le haq et de ne pas accepter au départ inshallah il est à la khair Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi hafidhahullah ta'ala ma'a tahiyyati dammaj afaq.com